évidemment que je ferai un jour le grand saut d'eau qui me fera tout neuf, tout beau, où tout vivra. Évidemment que j'arrêterai un jour de faire semblant de t'annoncer que c'est le moment d'être plus fort. Mais il y a dans tes bras quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle les douces, si douces soirées où je bois. Il y a dans tes bras quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle aux douces, si douces soirées où je bois. Bien entendu que mon corps qui vieillit ne te plaira plus. Un jour tu décideras à ma place, à ce jour-là. Bien entendu que je t'aime bien plus que ce cul de bouteille que je hais autant que moi, mais je ne peux pas. Car il y a dans tes bras quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle les douces, si douces soirées où je bois. Quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle les douces, si douces soirées où je bois. Évidemment que je fais honte à nos enfants. Même le chien me scrute de ses quatre yeux bien méchamment. Connard de Kleps. Évidemment que cet été nous ne partirons pas. Nous ne ferons même pas la route des vins comme chaque fois. Il y a dans tes bras quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle les douces, si douces soirées où je bois. Il y a dans tes bras quelque chose qui m'ensorcelle. Il y a dans tes bras quelque chose qui me rappelle aux douces, si douces soirées où je bois. Aux douces, si douces soirées où je bois. Aux douces, si douces soirées où je bois. Aux douces, si douces soirées où je bois. Aux douces, si douces soirées.